conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête ? Le 15 février 2013, une très grosse météorite explosait au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk avec une très pédagogique violence. D'un coup, elle fit comprendre à chacun d'entre nous qu'un tel événement pouvait se produire n'importe où, n'importe quand. S'il pleut des pierres, c'est que les vents les ont d'abord enlevés, pensait Pline l'Ancien qui, pour le coup, se trompait. Les météorites ne proviennent pas de la Terre mais du ciel. Ce sont des fragments d'astéroïdes qui ont survécu à leur passage dans l'atmosphère et qui tombent sur le sol terrestre, en général sans faire trop de dégâts. L'unique cas mortel historiquement attesté est la chute de la météorite de Valera au Venezuela, qui a tué une vache entière le 15 octobre 1972. Mais les météorites ne peuvent pas que sur la Terre. Plusieurs astronomes des siècles passés, tels Dominique Cassini, William Herschel ou Camille Flammarion, ont rapporté avoir observé ce qu'ils appelaient des lueurs, des nuages et des points brillants à la surface de la Lune, dont l'origine fut longuement discutée. C'est seulement à la fin du XXe siècle qu'on a compris de façon sûre que ces flashs étaient dus à des impacts de météorites. Qu'est-ce que les météorites qui tombent sur toutes les planètes nous apprennent sur l'origine et la formation du système solaire ? Quels effets ont-elles sur la surface des corps qu'elles percutent, sur la température et la composition de leur atmosphère ? Quel impact ont-elles sur la vie ? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai invité Sylvain Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Sud, où vous enseignez la planétologie et les sciences de la Terre. Et vos recherches, si j'ai bien compris, sont principalement consacrées à l'étude des surfaces planétaires, notamment à celle de la planète Mars. Est-ce que j'ai le droit de dire que vous êtes météoritologue ? Alors moi, je suis pas météoritologue, moi je suis plutôt planétologue, on va dire. Alors météoritologue, je travaille avec des météoritologues, d'ailleurs Brigitte Zanda avec qui on travaille, qui travaille sur les météorites au muséum, se revendique comme météoritologue. Moi je suis plutôt planétologue et je travaille avec les météoritologues pour comprendre notamment les cratères d'impact, parce que finalement sur quoi je travaille principalement, ce sont les cratères d'impact sur toutes les planètes pour pouvoir retracer l'histoire géologique des planètes. J'ai lu dans un papier que vous avez signé que parfois vous êtes présenté comme géomorphologue. Oui, alors en fait, c'est pareil. Je suis géomorphologue planétaire. Disons que j'essaye de déchiffrer les surfaces des planètes pour pouvoir... Mais géo, ça veut dire Terre. Eh oui, mais on... ou sol, ou surface planétaire. Mais en fait, pourquoi on dit géomorphologue planétaire ? Parce qu'on essaye finalement de comparer un peu les autres planètes avec la planète Terre. Et en fait, pour déchiffrer les autres planètes, il faut avant tout comprendre la planète Terre, parce que on essaye juste tout simplement de comprendre les processus qui existent sur les autres planètes à partir de ce qu'on connaît sur Terre. Alors, je l'ai dit, vous êtes spécialiste des cratères d'impact, des impacts de météorites. À quoi ça ressemble un cratère d'impact ? Comment est-ce qu'on peut l'identifier ? Vous êtes un spécialiste, je crois, du cratère de Karakul au Kadjikistan. Alors, à quoi correspond-il ? Qu'est-ce qui lui est tombé dessus ? Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Alors, les cratères d'impact, en général, on définit ça comme une espèce de dépression, une cavité circulaire qu'on observe très facilement sur la Lune. Hein. Vous prenez un petit télescope, vous allez voir des milliers de cratères d'impact. Sur Terre, c'est un peu plus compliqué. Des cavités circulaires comme ça qu'on voit très bien, il y en a peu sur Terre finalement, parce que tout simplement, on a l'érosion, on a les vents, le sable, la tectonique des plaques qui va remodeler ces cratères d'impact. On en voit évidemment beaucoup moins que sur la Lune. Et donc du coup, les cratères sont un peu plus difficiles à reconnaître. Il va falloir à ce moment-là étudier les roches pour pouvoir savoir si vraiment c'est un cratère d'impact. Mais qu'ils sont repérables depuis l'espace ? Alors certains peuvent être repérables depuis l'espace. Hein. Le plus connu, c'est le Météor Cratère en Arizona, qui est un cratère d'un kilomètre de diamètre. Et effectivement, avec une bonne caméra, il n'y a pas de problème pour le voir. Mais quand vous êtes dans le cratère, aujourd'hui, sans avoir d'informations qui viennent de l'espace, à quoi voyez-vous que vous êtes dans un cratère provoqué par l'impact d'une météorite ? Alors c'est là où on peut revenir un petit peu sur la nature et comment on a découvert ces cratères d'impact. Un cratère d'impact, il y a encore 50 ans, on ne savait pas ce que c'était, en fait. Hein. Il faut revoir à la fin du 19e siècle, en fait, on n'avait aucune idée de ce que c'était un cratère d'impact. On voyait des morphologies sur la Lune, par exemple, on observait ces dépressions, mais pour la majorité des gens, c'était des volcans. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que les astronomes et les géologues se renvoyaient envoyé la balle. Les astronomes disaient que c'était des volcans et les géologues disaient que c'était une chute de météorites. Mais du coup, on n'a vraiment pas compris à la fin du 19e siècle ce que c'était. Et il a fallu vraiment attendre 1960 à peu près pour que Eugène Shoemaker en fait observe des minéraux qu'on appelle la coésite. Et cette coésite, c'est voilà, c'est du quartz choqué, c'est du quartz qui se transforme à haute pression en un autre minéral et qui a démontré à ce moment-là que les roches de surface avaient subi une pression et une température faramineuse qui avaient changé la minéralogie de surface. Et en fait, c'est ça qui est important pour étudier les cratères d'impact, c'est étudier les roches pour voir les transformations minéralogiques induites par l'impact. Parce que vous allez avoir à ce moment-là ce qu'on appelle le métamorphisme d'impact. Vous allez chauffer, vous allez avoir de la pression qui va modifier vraiment la roche en son cœur. Mais depuis quand est-ce qu'on sait que les météorites n'ont pas d'origine terrestre ? Alors, qu'elles viennent de l'espace. Les météorites, au global, on le sait déjà depuis vraiment connu 17e, 18e siècle. Hein, on a déjà cette idée de pierre du ciel. Par contre, la relation entre ces pierres du ciel et les cratères d'impact, c'est notamment Daniel Barringer, hein, à la fin du 20e siècle, qui a observé pour la première fois le cratère Météor-Cratère et a trouvé des petites météorites de fer autour et il a fait la relation. Par contre, il n'avait pas du tout compris que une petite pierre en fait pouvait faire un très gros trou. Et même Daniel Barringer lui avait acheté quasiment toute la région du Météor-Cratère pensant trouver une pépite d'un kilomètre de fer sous le cratère et donc il pensait vraiment faire retrouver voilà ce minéral. Mais du coup, à cette époque-là, hein, personne n'avait compris ce que c'était vraiment un cratère d'impact. Alors Sylvain Boulard, revenons au cratère Karakoul au Tadjikistan dont vous êtes un spécialiste. Quand est-ce qu'il est apparu ? Il y a 10 millions d'années ? Alors le cratère Karakoul, c'est une histoire intéressante parce que si vous allez demain dans la base de données des cratères d'impact, vous allez voir que Karakoul est un cratère d'impact, il n'y a pas de doute. Il y a eu un géologue ukrainien qui, en 1992, a sorti une publication montrant que c'était un cratère, etc. Et en 2008, quand on, dans un de mes voyages où on allait donner des cours d'astronomie aux astronomes tadjiks, je suis tombé un peu sur cette formation. Et évidemment, ce cratère de Karakoul est situé à 4000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya, dans l'extrême ouest Himalaya, c'est assez surréaliste, hein. On est à 4000 mètres, il y a un lac, et on est entouré de montagnes à 6000 mètres, c'est un endroit absolument fantastique, hein. Voilà, c'est un de mes plus beaux endroits sur Terre. Et évidemment, quand on est allé la première fois en 2008 et en 2011, on se disait, voilà, c'est un cratère d'impact, on va réétudier parce qu'il n'y avait pas de publication majeure qui décrivait la formation de ce cratère. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a décidé de réorganiser une expédition là en 2016, au mois de d'août, avec d'autres collègues. Et aujourd'hui, il s'avère que on est moins sûr que c'est un cratère d'impact, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en fait, on estimait Karakoul finalement comme étant le dernier impacteur, le dernier gros cratère à s'être formé à la surface de la Terre, il y a à peu près 10-15 millions d'années. Et finalement, aujourd'hui, on a des doutes. On a des doutes tout simplement parce que les observations de Eugène Gurov en 92 qui a été faites, on les a retrouvées, mais on pourrait les expliquer autrement. Et donc, vous voyez, par exemple, par quoi ? C'est quoi l'alternative ? Dites-vous, on est en plein Himalaya et on a un trou de 50 km de diamètre. Un trou de 50 km dans une chaîne de montagnes, géologiquement parlant, c'est pas facile à expliquer. Sauf qu'on est dans l'Himalaya. Alors, on est dans une zone très déformée avec des failles, etc. Et en fait, si vous demandez à un tectonicien, un géologue, il va vous parler de Karakoul comme étant un fossé d'effondrement, une zone qui s'est ouverte à cause de la tectonique himalayenne. Et si vous demandez à Eugène Gurov, il va vous dire, non, c'est un trou qui s'est fait par un impact. Si vous voulez, en 2011, on a fait cette première expédition, on a observé des choses qui pouvaient nous faire penser à un cratère d'impact. Et au final, la nouvelle exposition montre que ces observations n'étaient pas si claires. Et c'est pour ça qu'on y retournait, c'est qu'on n'était pas sûr à 100% de nos observations. Et c'est important de revenir parce que l'enjeu est important et la limite est très fine entre, sur la conclusion. C'est-à-dire que, oui, c'est un cratère. Et à ce moment-là, c'est le dernier gros cratère à la surface de la Terre. Ou non, et à ce moment-là, il faut quand même l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on n'explique pas. On a un trou de 50 km, on ne sait pas comment il s'est formé. Donc il y a un mystère. Il y a un mystère, mais à l'époque où vous pensiez qu'il n'y avait plus de mystère, à savoir que c'était le choc d'un astéroïde, vous aviez calculé ou estimé, je ne sais pas comment, que cet impact avait dû faire chuter la température sur la Terre de 10 degrés. C'est à peu près les... Comment est-ce qu'on calcule ça? En fait, c'est différent. Il va y avoir différents modèles climatiques, hein, notamment sur quelles sont les conséquences d'un cratère. Quand vous avez un cratère d'impact, vous allez avoir l'éjection de matière dans l'atmosphère qui va être assez impressionnante, comme un volcan. Hein, vous allez avoir un obscurcissement de l'atmosphère qui va finalement faire baisser la température et qui va empêcher tout simplement les rayons du soleil passer. Et ça, pendant quelques années, voire dizaines d'années, voire centaines d'années pour les plus gros cratères. Donc c'est vrai que quand vous avez un impact comme ça qui se forme, qui forme un cratère de 50 km, potentiellement, eh bien, on peut avoir évidemment des impacts environnementaux très importants autour de l'endroit de chute. Alors il y a un autre cratère d'impact que vous connaissez très bien, vous en êtes un spécialiste, Sylvain Boulec, c'est le cratère d'Agoudal au Maroc. Dans le Haut Atlas. Alors là, on en est sûr, on verra pas là-dessus. On en est sûr, et ça, c'est pareil. C'est pour ça que ces deux cratères sont extrêmement importants, parce qu'en fait, il y en a un où on l'a affirmé, et finalement, peut-être qu'on revient dessus, c'est Karakul. Et puis finalement, Agoudal, c'est un endroit assez incroyable, parce qu'on est en plein Atlas. Et Agoudal n'était pas connu pour ses cratères, mais pour ses météorites. Et c'est des météorites de fer. Si vous allez là-bas, on peut retrouver des météorites de fer qui sont éparpillées sur une région quand même assez grande. Et au même endroit, en fait, on a trouvé ce qu'on appelle des shatter cones. Des shatter cones, c'est ce qu'on appelle des cônes de percussion en français. C'est des fractures qui se forment uniquement dans un contexte de cratère d'impact. Donc, à Agoudal, si vous allez là-bas, vous ne verrez pas le cratère d'impact. Vous ne verrez pas la dépression, parce que ce cratère a été complètement érodé. Par contre, on voit encore les roches qui ont été fracturées en dessous le cratère, c'est-à-dire que voilà, on est aujourd'hui sous le cratère et on voit les traces de cet impact. Donc c'est des roches qui ont des surfaces courbes, qui sont striées, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut remonter à une cause unique, à savoir la chute d'un... Aujourd'hui, les shatter cones, en tant que tels, on ne les observe qu'en contexte de cratère d'impact. On n'explique pas encore tout à fait la formation de ces fractures. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de modéliser ça. C'est pas encore très connu. Les shatter cones, ça se forme à des pressions qui n'existent pas à la surface de la planète Terre. Et donc, du coup, ces shatter cones, quand vous les trouvez à la surface de la Terre, vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, il y a eu un impact majeur. Et donc, c'est vrai qu'à Agoudal, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au même endroit, on sait qu'il y a eu un cratère qui s'est formé il y a quelques millions d'années, et quelques millions d'années plus tard, il y a eu une chute de météorite qui est tombée au même endroit. Et donc, on a des météorites et un cratère qui n'ont rien à voir, mais qui sont tombés au même endroit. Ça vous montre finalement que sur Terre, on peut avoir, voilà, au même endroit, eh bien, plusieurs impacts, et ça peut tomber au même endroit. Mais ça veut dire que sur la surface de la Terre, il y a des endroits qui attirent plus les météorites que d'autres ? Non, ça attire pas plus de météorites, c'est tout simplement qu'il en tombe quand même beaucoup. Hein. Je vous rappelle qu'il tombe quand même 10 000 tonnes de roches extraterrestres sur Terre tous les ans, hein. Donc c'est ce que prend l'atmosphère terrestre. Il en tombe quelques tonnes à la surface, mais si vous prenez à l'échelle géologique, eh bien vous allez voir que il tombe évidemment régulièrement un petit peu partout sur Terre, quand même des morceaux qui peuvent provoquer des cratères d'impact ou des météorites. Alors la plupart des météorites sont noires, si j'ai bien compris, c'est parce qu'elles ont brûlé dans l'atmosphère, ou est-ce qu'on peut trouver des exceptions? Alors on peut trouver quelques exceptions, mais qui finalement sont des exceptions de météorites, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines météorites qui vont avoir une croûte de fusion un peu verdâtre, un peu marronâtre, et effectivement, bon, on va dire que 99% des météorites qui tombent ont cette croûte de fusion très caractéristique, et quand on cherche des météorites, effectivement, on essaye de trouver ce caillou noir. Pour une petite anecdote, lors de l'expédition au mois d'août à Karakul, en fait, donc on étudiait et on essayait de trouver les preuves que c'était un cratère d'impact, et on était en train de marcher dans un endroit au milieu du cratère, et un de mes collègues en fait a vu un caillou noir, sauf que autour il y avait d'autres roches noires qui étaient tout simplement des roches, d'anciennes roches volcaniques, et au milieu il y avait ce caillou noir qui traînait, et lui évidemment ne réfléchissait pas, il voulait voir ce que c'était, il a pris son marteau et il a cassé, il a réduit en miettes ce caillou qui était en fait une météorite. Et donc, on a trouvé une météorite au sein de Karakul. Alors, Karakul, finalement, était connu pour son cratère d'impact. Et finalement, aujourd'hui, on a découvert la première météorite au Tadjikistan. Notre conversation, Sylvain Boulet, va être impactée par le premier morceau de musique que vous avez choisi. On va d'abord l'écouter et ensuite, vous le présenterez. Oh, Sylvain Boulet, l'air de la folie. Eh oui, c'est air de la folie. Alors je sais pas, évidemment certains ont reconnu donc cet air de la folie de Lucia dans Lucia de la mer morte de Donizetti. J'adore cet opéra évidemment, mais c'est aussi un clin d'œil au film Le Cinquième Élément. Pour ceux qui se rappellent, il y a un concert dans l'opéra dans ce gros paquebot spatial et puis il y a la diva qui se met à chanter. Évidemment tout le monde est subjugué. Il y a une planète derrière l'espace et c'est vrai que j'aime beaucoup cet air parce qu'il y a dans ce film là ça nous permet de nous poser, de juste d'observer le ciel avec de la musique assez incroyable. Juste avant, finalement, en fait, cet air, vous avez un air très calme, et puis après, l'air de la folie où ça devient, dans le film, on commence à se battre, etc. Et finalement, voilà, c'est un petit peu, ça résume un peu la vie où finalement on fait plein de choses et on n'a pas le temps de se poser. Et puis là, juste un petit moment où on observe le ciel, et c'est tout simplement ce qu'on devrait faire plus souvent, se poser et observer un petit peu plus le ciel. Voilà. Justement, dans le ciel, il y a plein de choses. Et on va préciser un peu le vocabulaire. Quand on lit vos publications, on voit des mots comme astéroïde, météore. Qu'est-ce que c'est qu'un météore ? C'est une étoile filante. C'est une étoile filante, ouais. Mais c'est pas une étoile. Alors en fait, non, c'est pas une. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise. En fait, météore à la base, ça veut dire que c'est un phénomène lumineux en fait dans le ciel. Donc un arc-en-ciel est un météore. Et finalement, une étoile filante, c'est effectivement un météore. En fait, vous allez avoir trois thèmes principaux, c'est-à-dire que dans l'espace, le caillou qui est dans l'espace va être ce qu'on appelle un astéroïde ou un météoroïde. Un météoroïde, ça va être un fragment d'astéroïde. Quand ça va rentrer dans l'atmosphère, vous allez avoir le phénomène lumineux qui va être le météore. Et quand vous arrivez à la surface, vous allez trouver la météorite, qui est le fragment de roche issu de cet astéroïde et du météorite dans le ciel. Enfin, il y a un autre terme qui me plaît beaucoup, c'est bolide. Oui, alors le bolide, c'est vrai qu'on va l'utiliser beaucoup. Hein, maintenant, en anglais, on utilise le mot fireball. C'est vrai qu'on dit rarement boule de feu pour parler d'étoiles filantes très brillantes. Et c'est vrai qu'on parle souvent de bolide pour les objets les plus brillants qui vont. C'est vrai qu'ils sont plus brillants que Vénus, qui est la planète la plus brillante. Exactement. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du météore de Tcheliabinsk. Cette boule de feu, ce bolide qui est arrivé, hein, je vous rappelle quand même. Chez Yabin, c'était assez incroyable. C'était un objet qui faisait 18 mètres de diamètre, qui est arrivé à une vitesse de 18 km secondes et qui, pendant plusieurs dizaines de secondes, a éclairé tout le ciel de Russie. Les gens ne pouvaient pas voir ça à l'œil nu. C'était beaucoup plus lumineux que le soleil. On parle de Vénus, mais là, c'est plus lumineux que le soleil. Donc, c'est des phénomènes vraiment très impressionnants avec une énergie folle. Alors, on va rester sur Terre. On partira ensuite sur la Lune et sur Mars, mais le 31 mai 2016, vous avez participé au lancement d'un programme qui s'appelle Fripon. Alors j'ai lu en voyant la notice que en France, il tombe en moyenne 10 météorites par an, mais on en retrouve qu'une tous les 10 ans, c'est-à-dire 10 seulement au XXe siècle. Et ouais, c'est quand même très peu, et on en trouvait plus au XIXe siècle. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on en voit moins maintenant qu'il y a un siècle ou deux ? Eh bien, tout simplement parce que les gens observent moins et sont moins dans les campagnes. C'est sûr que c'est la bonne explication. C'est la bonne explication. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que la densité de population est moins uniforme. Ben, tout à fait. On le voit bien. D'ailleurs, les chutes. En fait, au 19e siècle, on a eu 45 chutes. Donc, vous le voyez, quasiment une chute tous les 2 ans. Et au 20e siècle, on a 9 météorites. Donc, une météorite tous les 10 ans. Et quand on regarde la distribution des météorites en France au 19e siècle, on voit bien que ça suit le cours des fleuves, etc. Donc, il y a une vraie corrélation entre, effectivement, les gens qui vivaient dans les campagnes, qui observaient, et puis aujourd'hui, qui observent moins. Et donc, il fallait trouver finalement une solution. Et comme on a nos yeux qui n'observent plus, il fallait mettre des yeux électroniques. Et Fripon, c'est ça, c'est un réseau de caméras qui est éparpillé sur le territoire pour surveiller le ciel et pour détecter la chute. Donc, le but, c'est de les voir tomber et ensuite de pouvoir les trouver rapidement. Exactement, l'objectif, c'est de pouvoir, quand vous avez un bolide qui arrive dans le ciel, on a un réseau très dense de caméras qui va observer ce bolide sous différents angles. Et grâce à ces données, on va pouvoir retracer finalement la trajectoire et calculer le point de chute de la météorite pour pouvoir aller les chercher. Et donc, ces caméras sont en service ? Alors, on a 80% du réseau. Donc, il y a 80 caméras qui sont installées aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre sur le site de Fripon et vous verrez le ciel en direct. Et naturellement, quand nous avons des détections, eh bien... On essaye de. Il y en a. Il y en a qui ont été observés. Alors on a le réseau fonctionne maintenant et est vraiment opérationnel depuis on va dire 7-8 mois. Sur 7-8 mois, on a détecté plus de 1000 bolides. Donc ça veut dire que voilà, on a eu 1000 très grosses étoiles filantes qu'on a détectées avec le réseau Fripon. Sur ces 1000 bolides aujourd'hui, on a encore des petites choses à régler, notamment sur tout ce qui est calcul de trajectoire, mais c'est possible que dans les prochains mois, eh bien, on parle de une ou deux chutes de météorites à découvrir, parce que évidemment, entre le moment où on dit il y a eu une chute de météorites sur le territoire français et la trouver, c'est difficile, hein, parce que il faut bien vous dire que quand on calcule un point de chute, c'est pas un point et on y va, c'est une ellipse de chute qui va faire plusieurs kilomètres carrés, voire dizaines de kilomètres carrés, donc il faut évidemment s'y rendre et chercher, et c'est pas simple, hein. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, et là c'est un caillou noir. Alors évidemment, quand vous dans le désert, quand au Maroc, hein, quand vous cherchez une météorite noire sur les dunes ou dans un désert un peu orange, il n'y a pas de problème. Quand vous allez chercher un caillou noir sur des roches volcaniques granitique dans les Pyrénées, dans les Alpes, ça devient tout de suite plus compliqué. J'ai encore deux questions, Sylvain Boulet, avant qu'on quitte la Terre. La première, c'est si un astéroïde arrivait sur la Terre, est-ce qu'on pourrait se rendre compte et prendre des mesures permettant d'éviter les dégâts les plus graves ? Alors, ça va dépendre en fait de quelle taille d'objet on parle. C'est-à-dire que ça a déjà été fait. Par exemple, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on observe ce qui nous arrive dessus ? Alors, on surveille vraiment l'environnement. Il faut savoir qu'on a quelques milliers d'astéroïdes géocroiseurs qui peuvent croiser l'orbite de la Terre. Et c'est vrai que, par exemple, en 2008, il y a eu un astéroïde qui s'appelait 2008 TC3, qui faisait 4-5 mètres de diamètre. Et cet astéroïde a été détecté 20 heures avant la collision avec la planète Terre. Donc ça, c'est le cas qui a été le cas unique, d'ailleurs, où on a observé l'objet dans le ciel, on a vu l'entrée atmosphérique et on a retrouvé la météorite au Soudan. Donc ça, évidemment, alors heureusement, c'était un corps qui faisait 4-5 mètres. Bon, désintégré dans son passage dans l'atmosphère. Voilà, et donc on a retrouvé la météorite, mais il n'y a pas eu de cratère d'impact. Après, il y a d'autres corps aujourd'hui qui sont vraiment surveillés. On sait qu'on est capable, disons, de se dire, bon, bah voilà, cet objet-là va passer pas loin de la Terre. Aujourd'hui, on est quand même assez tranquille, c'est-à-dire que de gros objets de plus d'un kilomètre, on les connaît à peu près tous et il n'y aura pas de collision prévue d'ici les prochaines années, décennies, voire siècles. Par contre, il faut évidemment faire attention aux objets comme Chelyabinsk, parce qu'en fait, par exemple, Chelyabinsk faisait 18 mètres de diamètre et lui, on ne l'a pas du tout vu venir. Donc c'est vrai qu'il existe des objets de la gamme 20 à 100 mètres, 200 mètres, qu'on ne connaît pas et qui potentiellement pourraient arriver quand on ne l'a pas prévu. Ça vous inquiète ? Ça vous angoisse ? Non, vous y pensez ou pas ? Moi, j'y pense, mais en fait... Vous attendez ça avec impatience ? Bah oui, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un gros Chelyabinsk qui arrive au-dessus de la France. C'est vrai que c'est un risque, évidemment, mais c'est un risque quand même assez faible. Et évidemment, Chelyabinsk, on l'a vu, il y a eu à peu près 1000 blessés, mais 1000 blessés pas par la météorite, par les débris de verre, en fait, parce qu'au moment de l'entrée, on a eu une fragmentation, une onde de choc qui a été créée, et cette onde de choc a soufflé les fenêtres, et c'est là où il y a eu des blessés. Donc si un jour vous voyez un gros bolide arriver par la fenêtre, ne vous précipitez pas derrière la fenêtre. Sortez et vous allez observer le phénomène. Mais surtout, évidemment, n'allez pas derrière la fenêtre. Bon, c'est un bon conseil, on s'en souviendra. Voilà. Dernière question à propos de la Terre. Les dinosaures, c'est réglé ou pas ? On est sûr que c'est l'impact d'une très grosse météorite qui a provoqué leur disparition ? Alors on est sûr... aujourd'hui, il y a un consensus qui est en train de se sortir, qui est en train de dire que c'est peut-être à la fois... Les volcans et à la fois l'impact. C'est-à-dire que le volcanisme a duré certainement quand même bien plus longtemps qu'un simple impact. On voit qu'il y a certaines espèces qui commencent à disparaître avant cette limite à 65 millions d'années. Et certainement, le cratère d'impact qui s'est formé, le cratère Chicxulub, a donné un coup de grâce et effectivement est responsable de cette crise crétacée tertiaire. Mais c'est vrai que quand même le volcanisme du Deccan a certainement joué un rôle important. Et il se fait que deux phénomènes géologiques en même temps a quand même influé sur cette évolution du vivant. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Quittons la Terre, Sylvain Boulet, allons sur la Lune. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Lune? Il y a eu des impacts, il y a toujours des impacts de météorites, il y a des flashs qu'on observe, je l'ai rappelé tout à l'heure. Est-ce que ça nous aide à comprendre la structure interne de la Lune? Il y a une activité sismique sur la Lune. Or, il n'y a pas de volcanisme. Il n'y a pas non plus de tectonique des plaques. Donc, d'où vient cette activité sismique? Alors, il y a une activité. Donc, il faut le savoir, des sismomètres ont été envoyés par les missions Apollo. Ces sismomètres ont fonctionné entre 69 et 77. Qui mesurent les ondes qui se propagent. L'activité sismique, les tremblements de lune. Et des tremblements de lune ont été observés à l'intérieur. Donc, liés notamment au refroidissement de la lune. On sait qu'il y a une activité interne. Et aussi, on sait qu'il y a des micro-séismes liés aux impacts. Ça, c'est vrai qu'on le sait. Il y a effectivement. Donc, les météorites provoquent des tremblements de lune. Tout à fait. En fait, et sur Terre, ça serait la même chose. Hein. S'il y avait eu un très gros objet, les sismomètres terrestres le ressentiraient. Sur la Lune, il faut quand même réaliser que sur Terre, on a cette atmosphère. Donc, les 10 000 tonnes dont je parlais tout à l'heure, il y en a 9 999 qui sont vaporisées dans l'atmosphère. Sur la Lune, ces 10 000 tonnes arrivent à la surface. Direct. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc, évidemment, à toutes les échelles, vous allez avoir des micro-cratères qui vont mesurer quelques millimètres, qui vont être le résultat d'impact de toutes ces petites poussières, notamment cométaires. Vous savez, ces belles étoiles filantes qu'on voit au mois d'août. Eh bien, nous, ça fait un beau phénomène lumineux dans le ciel. Mais toutes ces petites poussières arrivent sur la Lune et forment des micro-cratères d'impact. Ça veut dire que la Lune importe sa sismicité? Un petit peu ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est une sismicité qui est énorme, puisque finalement, on va avoir des dizaines de milliers d'impacts par an à la surface de la Lune. On a calculé il n'y a pas si longtemps que ça, là, on a donc justement sur l'observation des flashs lunaires, on y reviendra dessus, mais on pense qu'il y a quelques milliers de cratères de quelques mètres de diamètre qui se forment tous les ans à la surface de la Lune. Donc, évidemment, il faut, si un jour on va sur la Lune et qu'on va s'y installer un peu déjà de temps. Allez. Alors, ouais, est-ce on est allé. C'était très court. Est-ce qu'on a pu ramener des météorites tombées sur la Lune? Non, je ne crois pas qu'on ait ramené de météorites sur la Lune. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a sur toutes les surfaces des planètes, mais sur celles qui ont une atmosphère très tenue. Sur la Lune, je ne crois pas qu'on ait retrouvé des météorites. Mais est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui que dans la Lune, comme dans la Terre, il y a un noyau? Tout à fait. En fait, il y a un noyau, il est solide. Tout à fait. En fait, il y a une graine. En fait, vous savez, sur l'évolution des planètes, en fait, on a, dès qu'un corps est quand même assez massif et mesure quelques centaines de kilomètres de diamètre, vous allez avoir un processus qu'on appelle le processus de différenciation. C'est-à-dire que vous avez un matériel primitif. Dans ce matériel primitif, vous avez une composition très globale qui ressemble à la composition du Soleil avec du fer, du carbone, de la silice, etc. Et quand l'objet devient très gros, eh bien, naturellement, à l'intérieur, vous allez avoir de la chaleur et cette chaleur va provoquer ce phénomène de différenciation qui va faire que les éléments les plus denses vont aller au centre de la planète et les éléments les plus légers vont arriver dans le manteau ou dans la croûte. Et donc la Lune, quand même, est un corps qui mesure plus de 3000 km et qui a connu cette différenciation. Donc oui, sur la Lune, il y a un noyau de fer. Là, vous concluez à partir d'un argument théorique. Est-ce qu'on a pu observer des effets produits par ce noyau? Alors en fait, notamment, on observe ces morceaux sur Terre, on observe ces météorites de fer, on observe sur Terre, on a des météorites assez primitives qu'on appelle les chondrites, qui sont vraiment constituées de toutes petites billes qui sont qui sont formées dans les premiers instants du système solaire. Mais aussi, on observe des météorites de fer, et ces météorites de fer qui tombent sur Terre sont des morceaux de noyaux de petites planètes qui se sont formées dans le système solaire. Donc, on a la preuve que ailleurs dans le système solaire, on a eu ce phénomène de différenciation. Alors, évidemment, ça, c'est un moyen direct d'observer, d'avoir le caillou. Moi, je demande souvent à des météorites de fer pour dire, c'est ça qu'on a au centre de la Terre. Et puis, évidemment, on a des moyens sismiques qui nous permettent de savoir la structure interne de la planète. Et sur la Lune, on le sait très bien, on a ces différentes couches qu'on a mis en avant grâce aux données sismiques lunaires. Ce qu'on espère, par contre, on connaît assez mal quand même la superficie. Et donc, on espère j'espère vraiment que dans les prochaines années, on pourra envoyer un nouveau sismomètre qui surveillera les séismes, mais aussi une sonde qui pourra détecter les flashs lunaires, puisque finalement, ces deux phénomènes sont reliés. Et quand on connaît l'endroit où est tombé le projet Fripon sur la Lune. Ben voilà, c'est ça, un Fripon sur la Lune. Et quand on connaît l'endroit où c'est tombé, eh bien, on a l'endroit, la localisation de la zone sismique. Et ça nous permettrait de connaître vraiment bien la structure de la Lune. Il y a plusieurs projets d'installation de bases permanentes sur la Lune. Est-ce que la chute permanente de météorites à la surface de la Lune n'est pas une menace terrible pour ces installations ? Alors, terrible, j'irai pas jusque-là. Il faut connaître le risque, ça c'est une première chose. On le sait, l'Agence spatiale européenne, notamment avec son président, M. Werner, en fait, a le souhait d'installer un moon village, un village lunaire. Et dans ce plan, qui est, une plutôt bonne idée, puisque ça pourrait être ce qui remplace la station internationale en 2030-2035, on parle d'habitats lunaires qui seraient en fait des habitats qu'on recouvrirait de régolithes lunaires, de poussière lunaire. Et si on recouvrait, un habitat lunaire d'une couche d'un ou deux mètres, ça nous permettrait de bloquer quasiment 99% de ces micro-impacts, parce que finalement, si vous avez un petit cratère de quelques dizaines de centimètres qui tombe sur l'habitat recouvert de roches, c'est bon, on est à peu près à l'abri. Après, évidemment, si on sort et qu'on se balade trop longtemps, potentiellement, quand même, évidemment, les chances sont plus fortes sur la Lune que sur Terre. Est-ce que les astronautes qui sont allés sur la Lune avaient conscience de ce risque ? Non, je pense pas du tout. Non, parce que cette histoire de flux d'impact et savoir ce qui nous tombe vraiment sur la tête, ils sont allés à une époque où les flashs lunaires étaient mal compris. Exactement. Et il y a, alors je n'ai plus le nom, mais il y a un des astronautes des missions Apollo qui a observé un flash lunaire en orbite lunaire. Donc il a dit, j'ai vu une lueur sur la Lune, à peu près là, mais il ne savait pas ce que c'était et il l'a vu en direct. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, non, il a juste décrit le phénomène. Est-ce qu'on peut passer à Mars maintenant? C'est votre planète favorite. Alors il s'est passé des choses incroyables sur Mars, évidemment il y a des météorites qui tombent à la surface, et vous avez démontré avec d'autres... Alors comment est-ce que je dois dire, d'autres géomorphologues, marsologues, martiens, martiologues, martiens. En fait, il n'y a pas que des géomorphologues. Je pense que je vous parlais du basculement de la planète Mars, et ce basculement de la planète Mars a été justement un papier assez fort parce que ça mélange des géomorphologues, mais aussi des géophysiciens, mais aussi des climatologues. Et donc c'est un papier qui essaye justement de prendre en compte plusieurs sciences martienne, puisqu'à ce moment-là, aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'on parle plus de j'étudie la planète Mars, et j'étudie le climat de la planète Mars, j'étudie le volcanisme de la planète Mars. On est comme sur Terre, en fait, on se spécialise sur certains processus à la surface de Mars. Alors, on va revenir à ce grand basculement qui a refaçonné la surface de Mars, mais avant, je voulais vous parler des météorites martiennes, c'est-à-dire des météorites qui proviennent de Mars et qui arrivent sur Terre. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose de très important parce que il faut le dire, sur Mars on n'a jamais ramené un morceau de roche, il n'y a jamais eu une sonde qui a ramené sur Terre. Mais on les a examinés sur place. Les a examinés sur place, mais rien ne vaut un géologue, et les instruments qu'on a sur Mars sont quand même évidemment bien moins perfectionnés que ceux qu'on a sur Terre. Par exemple, sur Mars, on n'arrive pas à dater une roche in situ. Et ça, c'est un gros problème. Quand on retrace l'histoire géologique de la planète Terre, c'est parce qu'on a pu dater les différentes roches très précisément. Sur Mars, les robots n'ont jamais réussi à dater une roche précisément. Et donc, du coup, pour retracer l'histoire géologique, il faut trouver évidemment d'autres moyens, notamment grâce au cratère d'impact. Mais du coup, c'est un problème parce que on a certaines choses, on n'a pas accès à ce matériel et on n'arrive pas à retracer, ça nous empêche de retracer l'histoire géologique martienne très précisément. Et donc finalement, on a cette ressource que sont les météorites martiennes. Aujourd'hui, on connaît à peu près 70 météorites martiennes qui sont tombées sur Terre. Et si j'en pose une sur la table, vous sauriez dire si elle est d'origine martienne ou pas ? Non, comme ça, non. Alors, certains quand même chasseurs de météorites sont très forts. Je pense notamment à un chasseur de météorites terrestres, Luc Labène, qui habite à Paris, là, qui lui, quand même, a un œil assez incroyable, qui effectivement sait différencier une météorite martienne comme ça des différents types de météorites. Donc, c'est vrai qu'il faut la reconnaître, il faut déjà en connaître. Il faut déjà en connaître. Alors évidemment, ces météorites... Et comment est-ce qu'on fait pour connaître la première? Alors, il se fait que les premières... Alors il y a tout un groupe de météorites qu'on appelle les SNC, Chergotite, Naclite et Chassinite. Chassigny, c'est un petit village français. Et ces météorites-là, quand elles ont été trouvées, on les a analysées et on a vu qu'elles n'étaient pas comme les autres. Et effectivement, qu'elles ressemblaient notamment un petit peu à nos basaltes terrestres. Donc déjà, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, parce que trouver un morceau de roche volcanique qui vient d'une autre planète et qui arrive sur Terre, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le système solaire d'où ça peut venir. Parce que ça veut dire que déjà le corps d'origine est un corps différencié, c'est-à-dire un corps massif. Et ça, des corps massifs, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça, c'est déjà une première indication. Il faut que sur cette planète, il y ait une activité volcanique. Exactement. Ce n'est pas le cas de la Lune, donc on élimine la Lune. Alors sur la Lune, il y a eu des roches volcaniques. Hein. On a toutes les mers lunaires, c'est du volcanisme. C'est les mers lunaires, les taches noires que vous voyez sur la Lune, c'est de la lave, c'est du basalte qui a rempli les plus grand bassin d'impact à la surface de la Lune. Donc, il y a eu du volcanisme à la surface de la Lune. Il n'y en a plus. Mais voilà, vous voyez quand même que déjà, quand on trouve des basaltes, des météorites basaltiques, enfin, qui ressemblent à des basaltes, on élimine un grand nombre de corps. Puis après, évidemment, on va faire des analyses précises géochimiques de ces météorites. Et notamment, il y a ce qu'on appelle les isotopes de l'oxygène. Alors, ces isotopes de l'oxygène vont être une signature, finalement, du corps parent. Et comme on a mesuré, finalement, ces isotopes de l'oxygène avec les robots, justement, qu'on a envoyés sur Mars, on s'est rendu compte que cette signature était tout à fait particulière et que le seul corps qui avait la même signature isotopique, c'était la planète Mars. Et il y a plein d'autres... Ça se voit pas à l'œil nu, on est d'accord. Non, ça se voit pas à l'œil nu. Mais par contre, c'est vrai que ce qui se voit à l'œil nu, c'est voilà, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un basalte entouré d'une croûte de fusion, vous êtes quasiment sûr que c'est une météorite planétaire. Et donc, c'est extrêmement important d'étudier ces météorites parce que on est capable d'avoir un morceau de Mars et de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à finalement un basalte? Est-ce que ça ressemble à peut-être quelque chose de plus profond, comme un granit, par exemple? On essaye de comprendre vraiment cette nature-là pour comprendre la nature de la croûte martienne. Et ça, c'est extrêmement important. Sylvain Boulet, c'est le moment de la deuxième pause musicale. Vous avez choisi, alors vous parlez de Mars, mais vous avez choisi Héros de la Lune. Eh oui, Héros de la Luna. Al llegar el día de esposar un calé, tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises. Sylvain Boulet, Héros de la Luna, on comprend le choix, mais peut-être que vous voulez le commenter davantage. Alors, Héros de la Luna, c'est une chanson de Mécano, alors ça date un petit peu, ça date de 1986, donc j'étais pas très grand, mais c'est une chanson que j'aime bien, et puis c'est l'histoire en fait notamment de... ça relie le caractère d'un enfant vis-à-vis des phases de la Lune. Alors évidemment, hein, on ne va pas dire que la Lune a une influence quelconque sur le comportement lunaire. Hein. Il n'y a pas vous de naissance. Vous n'êtes pas un peu astrologue ? Non, je ne suis pas astrologue. Mais par contre, les astronomes, quand même, surveillent justement ces phases de la Lune et ça va changer. Moi, je sais que, bah, notamment, par exemple, pour l'observation des flashs lunaires, on ne les observe pas à n'importe quelle phase. Quand on fait des observations, les astronomes amateurs aiment bien quand on a un croissant ou un quartier. Donc c'est vrai que je fais de l'astronomie amateur, je suis né avec, grâce à l'astronomie amateur dans un petit observatoire qui s'appelle l'Uranoscope de l'Île-de-France et finalement mon rythme d'enfant était basé sur la Lune parce que j'avais envie d'observer cette Lune dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai que voilà, c'est une chanson que j'affectionne particulièrement. Alors revenons à Mars, à ce grand basculement qui il y a 3 milliards d'années, 3 milliards et demi d'années a refaçonné sa surface. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur Mars, je vais commencer par ça, c'est que sur Mars, on a un dôme volcanique qu'on appelle le dôme de Tarsis. C'est un dôme gigantesque. Le mont Olympe. Alors voilà, mais le rêve des alpinistes. Voilà, alors le mont Olympe. Exactement. Mais ce mont Olympe, évidemment, on dit que c'est le plus grand volcan du système solaire. Il fait 500 km, il est à 25 km d'altitude. Mais ce mont Olympe, il est situé sur un dôme volcanique bien plus grand. Le dôme de Tarsis, il fait 5000 km de diamètre, 12 km d'épaisseur, et c'est l'édifice volcanique le plus impressionnant du système solaire. Et donc, évidemment, cette masse de milliards de tonnes, hein, qui fait à peu près 1/70 de la masse lunaire, donc c'est gigantesque. Quand il s'est formé à la surface de la planète Mars, eh bien c'est quand même un événement assez impressionnant et ça va avoir des conséquences sur cette surface. Alors ce dôme de Tarsis, il a commencé certainement à se former autour de 3,8 milliards d'années et a commencé à fonctionner pendant plusieurs centaines de millions d'années. Et à force d'accumuler de la lave, c'est comme ça qu'il est devenu un édifice gigantesque. Et cet édifice, en fait, s'est certainement formé dans l'hémisphère nord-martien à un moment. Et naturellement, quand vous avez un édifice aussi impressionnant et que vous rajoutez de la masse dans un endroit où il n'y avait rien avant, eh bien, c'est ce qui va entraîner le basculement de la planète Mars. Alors attention, hein, quand je dis c'est le basculement, planète, oui. C'est pas l'axe de rotation qui tourne. C'est vraiment la planète elle-même qui bascule et qui va mettre cette verrue planétaire sur l'équateur de la planète. Dans votre article, vous prenez l'image d'un abricot. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la chair de l'abricot qui tourne autour de son noyau. Exactement. Ce qui suppose qu'il y a un noyau. Alors, on le sait qu'il y a un noyau sur Mars, pareil. Après, est-ce que c'est toute la planète qui a tourné ou est-ce que ça a tourné autour le noyau? Mais toujours est-il que c'est important cette image de comprendre que vraiment c'est la croûte et le manteau qui tournent et donc qui tournent par rapport à l'axe de rotation. Pour prendre une analogie terrestre, c'est un peu comme si le massif du Mont Blanc ou les Alpes glissaient vers l'équateur. Voilà, c'est ça. Alors, mais j'irais même plus. Imaginez-vous si demain, là, l'axe, en fait, aujourd'hui, voilà, par exemple, l'Islande est sur le cercle polaire. Et si d'un coup, si la France, on rajoutait une grosse masse qui irait sur l'équateur, et si d'un coup, l'Islande était à la place de la France, et on aurait un axe qui resterait au même endroit, mais par contre, toute la planète basculerait. Et donc, évidemment, quand on bascule une planète, bah, comme ça, ça a forcément des conséquences. Et du coup, quand on essaye de débasculer la planète, eh bien on voit des choses, notamment on essaye de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant, parce que finalement redébasculer la planète Mars, ça nous offre un nouveau référentiel géographique finalement, hein, avec une nouvelle planète à réétudier dans un nouveau contexte. Mais comment était cette planète à l'époque ? Est-ce qu'elle était, il y avait une surface liquide ? Est-ce qu'il y avait de l'eau ? Alors, avant la formation du dôme de Tarsis, ou juste au début, on avait certainement une Mars qui était très humide, avec des lacs, des océans, et qui a vraiment modifié, qui a altéré les roches martiennes. Et puis à un moment donné, on ne sait pas encore pourquoi, mais autour de 3,7 milliards d'années, cette planète qui était très liquide et avec une atmosphère très dense, a commencé à perdre son atmosphère, et l'eau était encore là, mais l'atmosphère a diminué au fur et à mesure, le climat martien certainement s'est refroidi et on a certainement eu la formation de glaciers sur un tropique martien qui est à l'origine notamment des rivières à la surface de Mars aujourd'hui. Les rivières qu'on voit sur Mars aujourd'hui, on a cartographié plus de 400 000 km de rivières sur Mars. Donc l'eau, elle a coulé, ça on en est sûr. Hein. On a beau faire des effets d'annonce tous les ans, hein. On sait depuis 50 ans que l'eau a coulé à la surface de Mars. Par contre, comprendre voilà, les variations du climat, c'est un peu plus compliqué. Et donc toujours est-il que voilà, cette Mars a évolué. Il ne faut pas résumer la planète Mars juste à « il a plu, il y a eu des rivières ». On a eu des changements climatiques, on a eu des glaces, on a certainement eu des moments plus chauds. Et tout ça, on essaye justement de le comprendre. C'était il y a quand même 3,5 milliards d'années. Alors ça, ce sont les conclusions d'un article auquel vous avez contribué, qui a été publié en février 2016. Mais ma question, c'est comment est-ce que vous l'avez su que ce grand basculement avait eu lieu? Vous avez fait des simulations? On entend par exemple que si on retirait ce dôme volcanique de Tarsis, alors l'équilibre de la planète serait modifié? En fait, comment ça a été une rencontre, notamment entre notamment avec un géophysicien qui s'appelle Isamu Matsuyama, qui travaille aux États-Unis et qui lui avait montré en fait que si on enlevait le dôme de Tarsis, la planète Mars était orientée différemment. Certaines expériences de pensée. Alors là, c'était vraiment modélisation. Voilà, exercice de pensée. Il y avait de la modélisation géophysique derrière ça. Et il trouvait en fait des anciens pôles en fait à grâce à cette modélisation. Si vous modifiez, les pôles actuels ne sont plus les pôles anciens. Et en fait, les pôles qu'il trouvait étaient les mêmes que je trouvais quand j'étudiais la distribution des rivières à la surface de Mars. Si on observe la distribution des rivières sur Mars aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu aléatoire, qu'il y en a à haute latitude, près de l'équateur, etc. Et si vous regardez bien, en fait, ces rivières sont distribuées finalement sur un petit cercle qui n'est pas parallèle à l'équateur aujourd'hui. Et si vous remettez ce petit cercle sur un tropique, eh bien, vous trouvez des anciens pôles. Et ces pôles trouvés grâce aux rivières martiennes sont exactement les mêmes que ceux trouvés par la modélisation géophysique. Et vous avez dit, ça peut pas être une coïncidence. Ça peut pas être une coïncidence. Et puis, on est allé un peu plus loin. On s'est dit, maintenant, essayons de voir si on peut modéliser le climat à cette époque, grâce notamment à François Forget du laboratoire de météorologie dynamique. On a rentré la topographie de l'époque dans un modèle climatique et on a regardé où se formaient la glace et la neige. Et en fait, la glace et la neige se formaient exactement sur cette bande tropicale où on observe les rivières actuelles. Donc, grâce à cette découverte, vous avez pu reconstituer le climat sur Mars, alors évidemment, il y a 3,5 milliards d'années. Tout à fait. Alors évidemment, il y a encore du travail. On a des pistes, sérieuses maintenant de recherche pour bien préciser tout ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on comprend finalement cette nouvelle géographie martienne avant le basculement, et on arrive à expliquer pourquoi finalement les rivières sont là où elles sont aujourd'hui. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Sylvain Boulet, on voit bien, c'est pas qu'on voit bien, c'est qu'on entend bien à votre écoute que vous avez des talents de pédagogue. Et je crois savoir, vous avez beaucoup d'activités de médiation, de diffusion de la culture scientifique. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on ne regarde pas assez le ciel? On ne regarde pas assez le ciel, ça c'est sûr. Il faudrait. Heureusement, il y a des associations comme l'Association française d'astronomie qui organise tous les ans cette fameuse nuit des étoiles. Donc c'est un moment très important dans la vie des Français depuis plusieurs décennies maintenant. On le sait, on a quelques centaines de milliers de personnes qui observent les étoiles au mois d'août. Mais c'est vrai que on a besoin de pouvoir se rapprocher. Et alors évidemment, aujourd'hui, on touche essentiellement les gens qui sont intéressés par l'astronomie. Ceux qu'il faut viser maintenant, c'est ceux qui ne s'intéressent pas forcément aux étoiles et à l'observation. Il faut leur faire goûter à cette drogue. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a s'est initié, qu'on a vu la première fois les anneaux de Saturne ou la Lune, je pense que les gens n'oublient pas cette fois-ci. Ils vont se poser finalement des questions. Et donc, aujourd'hui, c'est ça l'objectif. C'est essayer de toucher les gens qui aujourd'hui ont un peu peur finalement de l'observation des étoiles. Vous êtes président de l'association Les Petits Cueilleurs d'Étoiles. Tout à fait. Alors l'association Les Petits Cueilleurs d'Étoiles, c'est une association jeune qu'on a créée avec Luc Labène. Effectivement, on cherchait une autre façon de faire de l'astronomie, justement, c'était de se dire, d'aller voir des personnes qui ne penseraient pas forcément aux étoiles. Et l'idée, c'était de pouvoir aller faire des animations, faire découvrir le monde des étoiles aux enfants hospitalisés. Et donc l'association Les Petits Cueilleurs d'Étoiles, va dans les hôpitaux pour à la rencontre des enfants et un moment de partage pour parler, et bien que ça soit tout simplement voilà, du ciel, des étoiles filantes, mais aussi pourquoi pas de... Mais vous faites des observations, non? Vous montrez des images ou... Alors on montre des images, on fait des animations notamment sur les météorites, donc on offre des petites météorites aux enfants, c'est un premier contact avec ces pierres du ciel. On peut offrir des météorites. On peut offrir des météorites, ouais, ça c'est quelque chose qu'on répète pas assez, c'est pareil, et les météorites, on a l'impression que c'est quelque chose quand même de très mystérieux et très rare, mais on a des petits morceaux de météorites que chacun peut acheter pour quelques euros, et voilà, vous avez une pierre du ciel avec vous, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'on le voit, cette association, quand on offre ces petites pierres du ciel aux enfants ou qu'on se balade avec une tenue de cosmonaute, on a des tenues de cosmonaute qui, voilà, les enfants, les jeunes enfants ont l'impression que ça y est, il y a un cosmonaute qui vient à eux. Et donc ça, c'est vrai qu'on le voit bien, c'est une autre façon de faire de l'astronomie. Et moi, ce que j'aime bien dans cette association, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'astronomie de leur vie, qui ont envie de participer aux animations, tout simplement parce qu'ils aiment le contact avec les enfants, et du coup ils se mettent à faire de l'astronomie autrement, et ça j'aime bien ce concept. Alors, vous me racontiez hors antenne que lorsque vous avez fait un voyage auprès du cratère, je ne sais même plus comment il s'appelle, le premier, Caracoul. Voilà, vous avez rencontré des gens qui habitaient là-bas, qui avaient un rapport aux météorites tout à fait particulier, et puis pensaient que vous étiez des sorciers. Ouais, c'est assez étonnant, parce qu'en fait il faut bien réaliser quand même qu'en voilà, en France, on est quand même, on est là avec une bonne éducation, on parle des planètes, etc. Même si aujourd'hui, près de 30% des Européens ne savent pas que la Terre tourne autour du Soleil, on est quand même une majorité à le penser. Mais dans le monde, hein, sur 7 milliards d'habitants, certainement, il y a peut-être quelques centaines de millions, peut-être milliards, à connaître, à savoir où on habite. Et c'est vrai que quand on voyage un petit peu dans des contrées où l'éducation fait peut-être un petit peu défaut, et c'est vrai que c'est le cas notamment voilà, dans les montagnes, une reculée du Tadjikistan. On était dans un petit village qui s'appelle Korog, et on avait installé un télescope lors de l'éclipse de soleil de 2008. Et donc, on a eu 200, 300 villageois qui sont venus observer le soleil et la lune dans notre télescope. Et je pense qu'ils ne comprenaient pas vraiment bien ce qu'ils observaient. Et là, à ce moment-là, on a vu deux jeunes demoiselles qui sont arrivées, habillées occidentales, téléphone portable, parler anglais. Et quand on leur a expliqué ce que c'était une éclipse totale de soleil, eh bien, elles nous ont pris vraiment pour des sorciers. Elles sont parties en courant. Et donc, voilà, l'astronomie fait peur, et que même si on est éduqué, même l'arrivée de la technologie ne suffit pas à provoquer l'arrivée des connaissances scientifiques. Non, exactement. On est dans un monde où effectivement on utilise cette technologie, mais tout fait partie quand même de l'éducation. Si à l'école on n'apprend pas les planètes, ce que c'est le soleil, etc., eh bien évidemment, tous les phénomènes célestes qu'on peut observer, on ne les comprend pas, et c'est normal que on prenne peur devant une éclipse de soleil. Alors, vous êtes aussi très actif dans l'organisation du festival de Fleurance. Tout à fait. Alors ce festival de... Qui a un grand succès, hein, le festival d'astronomie de Florence, qui est dans le Gers, a lieu tous les ans début août. Là, cette année, aura lieu du 5 au 11 août. Ce festival, pendant une semaine, propose des dizaines de conférences sur des thèmes assez larges, la géologie, de l'astronomie, de la philosophie. Et c'est le moment, finalement, de tous se réunir, de rencontrer vraiment les scientifiques, de discuter avec eux. Les enfants aussi sont bien accueillis. Il y a un festival astro-jeunes. Et donc, pendant une semaine, ils rencontrent des scientifiques, mais aussi font des expériences, des lancers de ballons, etc. Donc c'est vraiment un moment assez unique en France. Hein. Il y a à peu près 10-20 000 festivaliers qui se réunissent à ce moment-là. Donc c'est vraiment un beau rendez-vous estival à ne pas manquer. Alors Sylvain Boulay, récemment, on a annoncé la découverte de nouvelles planètes, exoplanètes, à 39 années-lumière de la Terre, et qui pourraient ressembler à la Terre du point de vue de la taille et et peut-être de la température, je ne sais pas. Ça vous fait du grain à moudre. Est-ce que vous apprenez beaucoup des exoplanètes qui ont déjà été découvertes, ou est-ce que c'est des connaissances qui ne sont pas encore assez mûres pour que vous puissiez faire de la science dessus? C'est pas encore assez mûr pour les géomorphologues planétaires. On ne voit pas, évidemment, quand on détecte des exoplanètes comme ça, on n'observe pas la surface, on n'observe même pas le point lumineux. Dans certains cas, on a eu des détections directes, mais là, dans ce cas-là, ce sont des observations indirectes liées notamment à ce qu'on observe, au phénomène de transit. En fait, on observe juste la baisse de la luminosité de l'étoile quand la planète passe devant, et c'est aujourd'hui ce qu'on sait de mieux. Donc, Donc on sait la distance à l'étoile, on sait à peu près la taille de l'objet, mais aujourd'hui on est loin de connaître l'atmosphère, à quoi ressemble la surface. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de savoir vraiment à quoi ressemblent ces planètes. On va y arriver, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans les prochaines décennies des télescopes qui vont pouvoir détecter les atmosphères, étudier leur composition chimique, et on espère à ce moment-là se rapprocher d'avoir une meilleure caractérisation de ces exoplanètes. Sylvain Boulet, est-ce que la découverte des premières exoplanètes, il y a une trentaine d'années, 95, donc c'est moins, est-ce que ça a changé votre... vous étiez tout jeune, j'imagine, mais est-ce que ça a changé votre rapport au système solaire ? Je pense que ça change forcément le rapport au système solaire, qu'on a compris beaucoup de choses de notre système solaire à partir de ces découvertes. Vous savez, quand on découvre un énorme Jupiter très proche d'une étoile, on se dit, mais pourquoi nous, on n'a pas un gros Jupiter à côté d'une étoile ? On a aujourd'hui, on connaît plus de 3000 exoplanètes, on connaît donc du coup un nombre assez incroyable de systèmes stellaires, et la diversité de ces différents types de systèmes stellaires interroge la singularité, puis nous permet de mieux comprendre l'évolution de notre propre système solaire. Il y a encore 30 ans, on pensait que les planètes s'étaient formées à l'endroit où on les observe aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on le sait, il y a eu une migration planétaire. Jupiter était bien plus proche du Soleil qu'elle l'est aujourd'hui. Les planètes ont migré, sont retournées à leur place. Tout ça, ça a eu, évidemment, quand vous avez, c'est un peu une boule de bowling dans un jeu de quilles, quand vous avez Jupiter qui rentre dans une ceinture d'astéroïdes et qu'elle retourne. Évidemment, on a une distribution de toute la matière du système solaire qui s'accumule dans des zones à différents endroits. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier aussi la ceinture d'astéroïdes. C'est que cette ceinture d'astéroïdes n'est pas faite du même matériel. C'est du matériel qui est constitué de matériel qui s'est formé très proche du Soleil, et puis du matériel qui s'est formé très loin du Soleil. Et donc, quand on va dans le système solaire, on échantillonne un peu de la matière qui s'est formée dans tout le système solaire. Donc, c'est vrai que ce rapport avec les exoplanètes, ça nous permet de mieux comprendre notre système solaire, et puis évidemment de mieux comprendre l'évolution, puisque quand on observe des systèmes planétaires, on les observe à différents moments de leur vie en fait, et donc ça nous permet de mieux comprendre finalement ce la création et l'évolution de ces planètes. Mais quelle est la question qui vous tarabuste le plus ? Je veux dire, une question dont vous aimeriez, au cours de votre vie de chercheur, connaître la réponse. Pas forcément demain, parce qu'elle va réclamer du travail, j'imagine, mais qui vous pousse à continuer ce genre d'études. Ça va pas être très original, mais c'est vrai que quand même la majorité des missions spatiales dans le système solaire ou des missions d'observation pour les exoplanètes, c'est essayer de savoir si on a de la vie. Je pense que tout ce qu'on fait sur le travail de Mars, notamment essayer de comprendre ce premier milliard d'années, c'est d'essayer de savoir si la vie a pu apparaître. Et donc, c'est essayer de mieux comprendre l'environnement de cette planète. Il y a eu 2 jours une annonce qu'on a découvert des traces de vie sur Terre autour de 3,8 milliards d'années. Donc, qui sont les traces les plus anciennes sur Terre. Plus on vieillit les traces d'apparition sur Terre, plus on a de la chance d'avoir eu de la vie sur Mars. Et parce qu'effectivement, si on a vu des traces de vie autour de 3,8-3,9 milliards d'années sur Terre, c'est exactement le moment où sur Mars il y avait de l'eau, des rivières, des lacs, des océans qui se formaient. Donc, mais donc c'est vrai que ça penser sera... que la vie est apparue au même moment, si elle est apparue dans différentes planètes, vous savez, sur ces planètes. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une raison, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison, peut-être qu'il n'y en ait pas eu. Moi, j'aime beaucoup Camille Flammarion, notamment, qui à la fin du 19e siècle décrivait la planète Mars. Il disait, la planète Mars, elle est jaune-orangée. Il y a 2 solutions. Soit la planète est complètement désertique, soit il y a de la végétation jaune-orangée. Et lui, dans son bouquin, il dit c'est forcément la 2e solution. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de vie sur Mars. Donc forcément, il y a de la végétation jaune-orangée. Donc il raconte évidemment les forêts, les champs, etc. sur Mars. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de raison, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de raison de ne pas y en avoir. Et c'est vrai que le jour où on va découvrir de la vie sur une autre planète, et c'est vraiment ce qu'on cherche sur Mars, sur les satellites glacés, etc., eh bien ça sera quand même quelque chose d'important, parce que pour la première fois, on aura trouvé de la vie ailleurs que sur la planète Terre. Merci Sylvain Boulet d'être venu nous expliquer tout ce qu'on peut comprendre grâce à ce qui nous tombe sur la tête. C'était Merci. La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Juliette Delperroux et à la réalisation François Connac.